promo des copains. Alors. Oui. Mais c'est toi, là, la promo des copains. Alors, je passe tous les... Ah non, c'est pas moi, pardon. Oui. Eh bien, cette semaine, on va faire la promo de Guillaume Meurice. Ah oui, c'est vrai. Qui est passé... Paul Meurice. Pas du tout, je crois pas. Ça a été notre deuxième invité cette saison. Tout à fait. Et il a une actualité bien remplie, lui aussi. Oui, parce que il va jouer dans une salle que connaît bien Manuel. Tu connais une salle qui s'appelle le Comic Hall. Exactement, oui, je la connais. Je connais très bien Guillaume Meurice d'ailleurs. Ah, voilà. Bah parce qu'il joue juste après toi. Voilà. Je peux le dire à ta place. Vas-y. Mais donc si j'ai bien compris, Guillaume Meurice sera donc jeudi, vendredi, samedi, 21h30 au Comic Hall au mois de juillet et août. Voilà. Juste après mon spectacle. Exactement. Voilà. Et puis alors pour nos amis le mieux, c'est qu'ils viennent te voir et qu'ils y restent. Et voilà, ils font un lieu, ils font le lot. Ben voilà. Voilà. Alors il sera également en province, à l'espace Gerson à Lyon, et ça c'est au mois d'octobre, on aura le temps d'en reparler. Mais plus proche de nous, 18-19 juin, au Vertigo à Nancy. Voilà, en Lorraine. Oui. Ah oui. Ah bah oui, on nous écoute en Lorraine. C'est Nancy en Lorraine alors. Alors Guillaume Meurice était passé nous voir donc en début de saison. Il avait fait une petite blague qu'on a gardée, mais il nous avait téléphoné après. Il était très mécontent, car sa blague avait été foirée par Maurice. Les archives. Alors, monsieur et madame, Bonil Féchaud ont une fille. Comment en appelle-t-il ? Bonil Péchaud. Bonil Féchaud. Ah, Bonil Féchaud. Alors, Maurice. Maurice Bonil Féchaud ? Non, c'est pas Maurice. Non. Alice Bonil Féchaud ? Alice Bonil Féchaud. Je peux en dire une, moi ? Oui. Monsieur et Madame Thiers ont un fils, comment ils l'appellent ? Monsieur et Madame Thiers ? Ah oui. Oui. Sim ? Sim Thiers, oui. Et alors, pour préciser pour les auditeurs, c'était le lendemain de la mort de Sim. Bravo, Maurice ! Et bravo, Guillaume Meurice, surtout. Alors, ils sont pas de la même famille, d'ailleurs. Oui.